Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 2, Gaumet du Pré 1861. Question 26. De l'amour. Du sujet de l'amour, nature de l'amour, l'amour et la dilection, l'amour d'amitié et l'amour de concupiscence. 1. L'amour est-il dans la puissance concupiscible? L'amour, dit Aristote, est dans le concupiscible. En effet, il appartient, en général, aux puissances appétitives, qui ont, comme lui, le bien pour objet. L'amour naturel est dans l'appétit naturel, il est une sorte de sympathie secrète, qui, dans les corps graves, s'appelle affinité et attraction. L'amour sensitif est dans l'appétit sensitif, c'est une sorte de complaisance qui vient à la suite d'une perception. L'amour intellectuel ou raisonnable est dans l'appétit rationnel, que l'on nomme la volonté. Quant à l'amour sensitif, il appartient à la partie concupiscible de l'appétit sensitif, parce qu'il a rapport au bien pur et simple, et non au bien ardu qui est l'objet de l'irascible. Note. L'amour naturel n'est pas seulement dans les forces végétatives, il est aussi dans toutes les puissances de l'âme, dans toutes les parties du corps, et généralement dans toutes les choses. Tous les êtres, dit saint Denis, éprouvent l'attrait du bon, puisque tous, par une affinité naturelle, tendent vers ce qui leur convient. Fin de la note. 2. L'amour est-il une passion? Les passions sont des impressions produites par un agent extérieur sur un être passif. Comme les agents physiques, dans la gravitation, communiquent au corps qu'ils attirent une sorte d'inclination suivie d'un mouvement, ainsi l'objet aimé donne à l'appétit une certaine propension pour lui. S'identifiant avec l'appétit, il y éveille la complaisance et y fait naître le mouvement du désir, qui est bientôt suivi d'une tendance réelle vers lui. Or, cette première modification de l'appétit prend le nom d'amour, qui n'est rien autre chose qu'une complaisance dans le bien, de laquelle provient le mouvement du désir, et en dernier lieu le repos, qui est la joie. Puisque l'amour consiste dans une certaine modification de l'appétit par le bien, il est manifestement une passion véritable, quand il a son siège dans la partie concupiscible, une passion improprement dite, dès qu'il appartient à la volonté. Note. L'appétit, dans l'amour, se porte avec complaisance vers l'objet aimé et s'y attache comme à lui-même ou à une partie de lui-même. L'amour n'est pas précisément l'union, il en est le principe. Il est, dit saint Denis, une vertu unitive. Le philosophe exprimait la même vérité dans cette parole, l'union est l'ouvrage de l'amour. L'amour n'est pas, on le voit, une simple relation. Comme quelques-uns l'ont dit, il est une passion véritable. L'amour est une passion de s'unir à quelque chose, confère Bossuet. 3. L'amour est-il la même chose que la dilection? La dilection ajoute à l'amour, comme le mot l'indique, une élection préalable, elle est plutôt dans la volonté et dans la raison, au lieu que l'amour est dans le concupiscible. Quoi qu'il en soit, le mot amour est regardé par plusieurs pères comme plus divin que celui de dilection, précisément parce qu'il implique une passion que Dieu produit en nous, lorsqu'il nous attire à lui. Note. Le mot dilection n'est pas entré dans notre langue avec le sens que lui donne ici saint Thomas. Fin de la note. 4. L'amour peut-il se diviser en amour d'amitié et en amour de concupiscence? Oui, ce sont là deux choses bien différentes. L'amour, en effet, présente une double tendance, l'une, vers le bien que l'on veut à quelqu'un, à soi-même ou à autrui, l'autre, vers la personne elle-même à qui l'on veut du bien. Aimer le bien pour soi-même ou pour un autre, c'est un amour de concupiscence, qui est un amour relatif. Aimer la personne à laquelle on veut du bien, c'est l'amour d'amitié. Ce qu'on aime d'un amour d'amitié, on l'aime pour lui-même, ce qu'on aime d'un amour de concupiscence, on l'aime par rapport à un autre objet. L'amour d'amitié est le seul qui mérite absolument le nom d'amour, l'amour de concupiscence n'est qu'un amour restreint. Nous ne donnons absolument le nom d'ami qu'à la personne à qui nous voulons du bien, ce que nous voulons pour nous-mêmes, nous le voulons d'un amour de concupiscence. Dans une amitié utile et agréable, on peut assurément vouloir du bien à son ami, et, sous ce rapport, on a une amitié véritable. Mais une telle amitié se transforme en amour de concupiscence et perd sa nature dès qu'un homme rapporte ce bien à son plaisir même ou à son utilité propre. Note. Dans l'amour de concupiscence, celui qui aime s'aime proprement lui-même, puisqu'il se veut le bien qu'il convoite. Presque toujours nous nous recherchons nous-mêmes dans nos affections. Ce que nous prenons pour de l'amitié n'est qu'un commerce réciproque où nous échangeons nos intérêts, et dans lequel l'amour propre ou une autre passion quelconque se propose quelque chose à gagner. Souvent, c'est le seul motif qui réunit les hommes, ils se disent amis, ils ne sont qu'associés. Confère, Belwino. Fin de la note. Markendanarchive.org 2020, d'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.